Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir une série d'émissions sur Jacques Lacan, diffusée pour la première fois en mars 2018. Aujourd'hui, place au maître, en compagnie de Colette Seller. Et si le plus grand enseignement de la psychanalyse était que la vérité, votre vérité, existe, mais que vous ne pourrez jamais l'apprendre entièrement. Et qu'en voir un bout, déjà, est une victoire. Reste à savoir par quel bout l'apprendre, ou par quel bout l'apprendre. Voici Jacques Lacan et Alan Sherman, qui lui, contrairement à Lacan, veut tous nous coucher sur le divan. La vérité, on n'a pas tout à apprendre. Un bout suffit. Ce qui s'exprime, vu la structure, par en savoir un bout. Là-dessus, j'ai su conduire certains et je m'étonne d'en dire autant à la radio. If you're always stealing goodies from a big department store, you need an analyst, a psychoanalyst. If your pocket's full of little things you never owned before, you need an analyst, a psychoanalyst. If somebody says good morning and politely tips his hat, and you frown and say, I wonder what he really meant by that. If you're walking down the sidewalk and you won't step on a crack, you're afraid if you step on a crack, you'll break your mother's back. If you're at the Philharmonic and you start to do the twist, you need an analyst, a psychoanalyst. You need an analyst, you need an analyst. We really must insist that you see an analyst. If you're freezing or you're sweating. Bonjour Colette Seller. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes philosophe, docteur en psychologie et psychanalyste, l'auteur de 3 ouvrages sur Lacan, Lacan qui fut votre psychanalyste. En effet, il a été mon psychanalyste et j'ai fait toute ma formation analytique avec lui, les contrôles, les présentations de malades, le suivi des séminaires et mon analyse qui est le principal, bien sûr. Pour devenir psychanalyste, il faut suivre 2 analyses ? Il faut faire 2 analyses ? Une seule suffit ? Une analyse. On ne fait jamais qu'une analyse, en réalité. Ça, c'était la thèse de Freud, hein. On ne fait qu'une analyse, mais il arrive qu'on la fasse avec plusieurs analystes. Ça n'a pas été mon cas. Et donc, combien de temps a duré votre analyse avec Jacques Lacan ? Une dizaine d'années. 10 ans ? Oui. Au cours desquels vous avez, donc il était à la fois votre analyste et vous suiviez ses cours ? Je suivais ses séminaires, pas dès le début. Je les ai suivis 2 ou 3 ans après que j'ai commencé mon analyse. Et je suivais ses séminaires, je suivais ses présentations de malades à l'hôpital Sainte-Anne, puisque Lacan était aussi psychiatre et faisait des présentations de malades, parce qu'il pensait que les psychanalystes devaient connaître aussi ce qu'on appelle la maladie mentale. Voilà. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, quand on parle de Lacan, tout un imaginaire soit véhiculé, qui est souvent un imaginaire effrayant ? Lacan serait l'usurpateur, voire l'imposteur, auquel on ne comprend rien. Ses écrits sont extrêmement difficiles à lire. Et il n'a fait que parodier Freud en le dépossédant de son essence. On dit ça. Oui. Je vous l'apprends. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Lacan, mais enfin, si c'est un imposteur, réfléchissez un peu. C'est un drôle d'imposteur quand même. Pourquoi ça ? Parce qu'il a passé sa vie dans son bureau 25 ans, 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, à préparer son séminaire, qui a duré 25 ans, pour parler aux analystes, essayer de repenser la psychanalyse freudienne, de relancer la pratique analytique qui s'était quand même figée dans ce qu'on appelle les inerties du cadre analytique, à savoir 5 jours, tant de séances, on ne voit pas son analyste en dehors, on paye les vacances, tout ça ce sont des choses que Lacan, les Anglais appellent le « setting », qui n'ont aucune nécessité analytique. C'était des habitudes qui s'étaient prises. Et Lacan a ramené la psychanalyse aux seules nécessités de l'échange, de la parole, d'association libre du patient, c'est-à-dire l'effort que fait l'analysant pour parler et en parlant chercher quelle est sa propre vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'encombre, qu'est-ce qui motive ses symptômes, parce qu'il souffre, s'il vient, c'est qu'il a quand même des choses à corriger, il a des symptômes, et il cherche à essayer de saisir d'où ça lui vient, qu'est-ce qui l'encombre, qu'est-ce que c'est que cet inconscient qui est en lui, qu'il ne sait pas, ses paroles insues qui le guident. Bon. Et donc, toutes les nécessités de l'analyse tiennent au type d'interlocution analytique. C'est ça que Lacan a essayé de diffuser, d'expliquer d'un bout à l'autre de son enseignement sur la pratique analytique. Quel genre de psychanalyste était-il lui-même ? Alors, c'était un genre de psychanalyse. Vous savez, dans l'analyse, il est difficile de dire objectivement quel genre d'analyste est un analyste, puisque chaque analysant a son idée de l'analyste qu'il a eue. Alors, Lacan a analysé beaucoup de personnes, et il n'y en a pas deux qui ont la même idée de lui. Et ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe. Parce que ça veut dire qu'il s'adaptait à chacun d'entre eux. Voilà, parce que c'est le signe qu'il était vraiment en position de supporter les transferts singuliers de chacun et d'y répondre de façon également singulière. Et donc, de tout ce qui se raconte de Lacan, vous pouvez toujours trouver un témoignage totalement opposé. Alors, qu'en est-il, par exemple, du... Alors, est-ce un cliché, est-ce une idée reçue, du soi-disant, du supposé fait que Lacan demandait des sommes faramineuses pour chacune de ses séances qui duraient 2 minutes? Oh ben moi, s'il avait demandé des sommes faramineuses, je n'aurais pas fait d'analyse. J'étais professeur à l'école normale supérieure, le salaire d'un professeur avec une famille et des enfants ne peut pas payer des sommes faramineuses. Donc les 500 francs par minute, c'est un mythe. Mais j'ai jamais payé 500 francs. J'ai payé beaucoup moins. Mais peut-être que alors certains patients l'ont fait, si vous et dites donc, qu'il était différent avec chacun. Il est possible que certains patients aient payé plus. Mais pourquoi on se souvient de ceux qui ont payé Je dis c'est possible parce que je n'ai pas de statistiques là-dessus. En tout cas, personnellement, je dois dire, cette légende courait déjà quand je suis allée voir Lacan. Et donc, j'avais idée que je ne pouvais pas y aller puisque je n'aurais pas pu payer. Et j'ai rencontré un collègue qui m'a dit « Mais tu sais, je crois que tu te trompes, Lacan, il s'adapte à chaque analysant. » Donc j'y suis allée et en effet, j'ai payé une somme très raisonnable. Alors que connaissiez-vous de Lacan quand vous avez commencé à y aller? C'était en quelle année, C'était vers avant 70, je connaissais... Je connaissais, c'est beaucoup dire. Enfin, j'avais lu une partie des écrits que je trouvais très difficile, bien sûr. Était très connu à l'époque? Oui, il était connu. Il était connu, mais moi, je ne le connaissais pas vraiment. Il était connu dans les milieux parisiens, surtout. Hein. Et donc, je le connaissais intellectuellement par ses écrits. Je n'aurais pas pensé m'analyser ailleurs que dans le champ lacanien, déjà à l'époque, parce que j'avais déjà pris une idée de l'IPA. C'est-à-dire ? C'est une association analytique où il y a des analystes, certes, mais qui sont dans ce que je vous disais au début, dans l'inertie des habitudes, du setting et de la répétition de Freud. Vous savez, maintenant on répète beaucoup Lacan, mais à l'époque... On répétait Freud sans saisir Freud. C'est pour ça que Lacan a dû faire un retour à Freud. Un retour à Freud pour essayer... Ce sont ses mots, hein. Ce sont ses mots, oui. 10 ans de retour à Freud. 10 ans à commenter les textes de Freud, à les reprendre, à les leur rendre vie, en quelque sorte. La culture, vous savez, les textes, ils se déposent et puis on n'arrive plus à les lire tellement ça se répète. Alors il a fait un travail énorme pour restituer ce qu'a fait Freud. En fait. Il a créé la Société freudienne de psychanalyse. en 1953. Oui, alors, bien sûr, oui, oui. Il y a une, il y a eu un conflit dans la vieille association internationale. Donc, il a créé une, il y a eu une scission en 53. Et puis, en, il y en a une autre qui l'a amené à créer son, son école freudienne de Paris en 64. Donc, moi, je suis arrivée après ça. Hein. Mais alors, un mot, parce que cette histoire est quand même intéressante. Il y a d'abord la Société psychanalyste de Paris qui se divise sur la place de l'enseignement dans la formation des psychanalystes. À ce moment-là, là qu'en crée la Société freudienne de psychanalyse, dont 10 ans plus tard, il va être lui-même exclu. Non, il n'a pas été... C'est pas de la société française qu'il a été exclu. Non, freudienne de psychanalyse. Ouais. C'est de l'international. Ouais. C'est... Il a été exclu en décembre 63 par un vote qui le rayait de la capacité des analystes didactiques. Et c'est là qu'en 64 janvier, il commence son séminaire sur les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Donc il a été rayé, pas seulement pour la France, de manière générale, rayé de la liste des didacticiens. Et il a appelé ça son excommunication. On peut voir ça dans le premier chapitre des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, où il parle de ça, de sa position. Il vient d'être éjecté. C'est énorme comme geste. Hein. Et alors pourquoi est-il éjecté? Parce que on lui contestait, surtout son changement du setting analytique et le temps des séances. Le temps des séances. Sur le temps des séances, c'est très très important ce point du temps des séances. Hein, parce que les séances à durée fixe, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire une analyse avec des séances à durée fixe, mais véritablement, la parole est liée au temps. Selon ce que l'on dit, ce que l'on, les ponctuations d'une parole, c'est lié au temps. Et Lacan est rentré avec cette idée d'une évidence. Si on se place dans l'abstrait, c'est évident. La parole est liée au temps, on s'adresse à quelqu'un, on a quelque chose à dire. Quand c'est dit, on s'arrête. S'il fait une interprétation, on s'arrête. Il n'y a pas besoin de continuer vitam aeternam. Alors l'argument étant que, l'argument des autres étant que finalement, l'inconscient a besoin de temps pour se dire. Mais bien sûr que l'inconscient a besoin de temps pour se dire, mais l'inconscient, il travaille en permanence. 24 heures sur 24. Et ça, on entend ça chez les analysants. Je vous ai parlé toute la semaine, ou tout le week-end, etc. Et donc, Lacan, ce qu'il a fait, c'est ajuster la pratique aux nécessités de la parole analytique, qui est une parole dite d'association libre et l'autre d'interprétation de l'autre côté. Donc, Lacan pose qu'il ne faut pas une durée fixe pour chaque patient lors de chaque séance. Absolument. Ça peut durer de, du coup peut-être de 5 minutes à une demi-heure. Qu'il n'y a aucun sens à imposer une durée fixe, de même qu'il n'y a aucun sens à imposer 5 séances par semaine. Ça peut être 4, ça peut être 2, il peut y avoir plusieurs séances par jour, tout dépend du contexte et des possibilités des sujets. Alors, on va s'arrêter ensemble sur la pratique du métier de psychanalyste par Lacan, parce que c'est non seulement parce que vous avez suivi l'analyse avec lui, et parce que c'est une bonne manière de faire connaissance avec Lacan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a ses écrits théoriques, parfois très ardus, parfois limpides, hein, on y reviendra. Certains sont vraiment très accessibles et très précis. Et puis il y a sa voix, on a beaucoup d'archives de lui, il parle à la radio, à la télévision, il y a ses séminaires, et lui-même revient beaucoup sur son métier d'analyste. Alors voici un premier extrait de lui, donc il parle du rôle du psychanalyste, où il dit finalement qu'on demande au psychanalyste de détenir la vérité. Or ce n'est pas que celui-ci sait tout, mais il est celui qui est supposé savoir. Écoutez. Oui. N'est-il pas étonnant que de la formule « à quoi depuis plus d'une décade j'ai donné essor », celle dite du sujet supposé savoir, pour rendre raison du transfert, personne n'en a avancé la question. Est-ce supposé qu'il est sujet savoir la vérité? Vous apercevez-vous où ça va? N'y pensez pas surtout, vous risqueriez de tuer le transfert. Car du savoir dans le transfert fait le sujet, il s'avère à mesure que la sujettie travaille, qu'il n'était qu'un savoir y faire avec la vérité. Personne ne rêve que le psychanalyste est marié avec la vérité. C'est même pour ça que son épouse fait grelot, son épouse réelle. Certes, à ne pas trop remuer, mais qu'il faut là comme un barrage. Barrage à quoi? À la supposition qui serait le comble de ce qui ferait le psychanalyste fiancé à la vérité. C'est qu'à la vérité, avec la vérité, il n'y a pas de rapport d'amour possible, ni de mariage, ni d'union libre, il n'y en a qu'un de sûr, si vous voulez qu'elle vous ait bien. La castration, la vôtre, bien entendu, et d'elle, pas de pitié. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Jacques Lacan cette semaine, aujourd'hui en compagnie de la psychanalyste Colette Solaire, qui a suivi une analyse avec Lacan. Ici, Lacan dans l'archive que l'on vient d'entendre répondait aux questions de Robert Georgin. C'était sur la radio belge en 1970. Il est étonnant de voir, et on l'entendra encore par la suite, Colette Solaire, de voir l'insistance avec laquelle Lacan parle de vérité quand il parle d'analyse. Oui. Il semblerait que, en analyse, puisque chacun parle de lui-même, qu'il n'y a pas de règle générale, vous l'avez dit, c'est ce que Lacan disait, que le terme même de vérité n'est pas sa place. Or, il est omniprésent dans la bouche de Lacan. Oui, mais c'est parce que la vérité, ce qu'il appelle la vérité, c'est pas l'exactitude. L'exactitude, c'est pour tout le monde. Hein? C'est, la vérité, ce qu'il appelle la vérité, c'est la vérité individuelle. Chacun a sa vérité. Qui vient évidemment de, à la fois de son histoire, de son inconscient. La vérité, elle est singulière. Il n'y a pas deux sujets. D'ailleurs, c'est très frappant quand on est analyste de constater à quel point il n'y a pas deux sujets semblables. Il n'y a pas deux sujets qui vous disent la même chose. Il y a quelquefois des insistances, des régularités sur des thèmes, mais sur la façon de le prendre, de le vivre, d'y réagir, il n'y a pas deux sujets semblables. Alors, c'est ça qu'il appelle la vérité. Hein, la vérité n'est pas l'exactitude scientifique. La vérité, c'est ce qu'un sujet essaye de dire et de chercher sur sa spécificité, sur ce qu'il est en propre, en tant qu'il n'est pas semblable à son voisin et à son semblable. C'est ça. Si on ne comprend pas ça, on ne voit pas pourquoi il convoque la vérité. Hein, qui paraît anti-scientifique maintenant. Ou au contraire intellectuel, on se dit qu'un patient qui va voir, qui va consulter, c'est parce qu'il souffre et qu'il voudrait ne pas souffrir, et non pas pour rechercher la vérité. Ah non, parce que le patient vient parce qu'il souffre, en effet, et qu'il préférerait souffrir moins. Mais c'est là qu'on perçoit comment la psychanalyse n'est pas une psychothérapie ordinaire. Certes, dans une psychanalyse, on parvient à modifier des symptômes, à obtenir. Le sujet parvient, par le travail qu'il fait avec l'analyste, à souffrir moins. Mais il arrive à souffrir moins par l'élaboration de ce qui cause sa souffrance. Et ça, c'est pas intellectuel, c'est épistémique. On soigne par l'élaboration de l'inconscient, c'est-à-dire par l'acquisition d'un petit bout de savoir, petit, hein, mais un bout de savoir sur son inconscient. Savoir que l'on possède déjà, mais pas oui, l'état de conscience. Ben bien sûr, c'est ce qui justifie l'association libre. Pourquoi Freud a-t-il l'implication de ce qu'a fait Freud? C'est que le patient sait. C'est que les éléments de l'inconscient, ils sont chez le patient. L'analyste ne les sait pas. Quand vous recevez quelqu'un, vous ne savez rien de lui. Après quelques années, vous commencez à en savoir un petit bout. Mais de toute façon, jamais tout. On ne sait jamais tout pour la bonne raison qu'avec le langage, il n'y a pas de tout. On aligne des mots, on aligne des phrases, mais il y en a toujours d'autres possibles. C'est pourquoi Lacan a formulé « la vérité est toujours mi-dite ». Il y a toujours une moitié pas dite, qui resterait à dire. Hein? Et pourtant, le patient tient l'analyste comme celui qui détiendrait les clés de sa propre douleur et les clés de sa vérité. Il y a une forme d'attente énorme de la part de celui qui va en analyse en se disant « je souffre ». Lui, le médecin de l'âme, va pouvoir me guérir parce qu'il va savoir sur moi ce qui me manque. C'est ce qu'on appelle le transfert. Ça, le transfert, c'est Freud qui l'a découvert, c'est pas Lacan. Freud a découvert le transfert et sous une forme particulière. Il a découvert que dans le dispositif analytique, il se produisait cette chose étonnante que l'analysant se met à aimer son analyste. Alors, il a bien perçu, Freud, que c'était pas dû aux vertus de l'analyste et au charme de l'analyste, que c'était dû au dispositif. Mais il n'a pas réussi à l'expliquer. Et enfin, Lacan, je crois qu'il a réussi à l'expliquer, justement, en considérant que l'analysant qui arrive, qui parle, il a une demande. Il a une demande qui est aussi une demande d'amour, de considération, d'intérêt, c'est normal. Et donc, ça déclenche l'idée que l'autre va vous répondre, vous comprendre positivement. Ça déclenche en effet des sentiments positifs, pour plutôt, il vaut mieux dire sentiments positifs qu'amour, qui est un terme très connoté. Ça déclenche des sentiments positifs avec deux effets. Un positif et un négatif. L'effet positif, c'est que ça dispose le patient à l'association libre, à continuer, donc ce qu'on appelle le travail analysant. Et l'effet négatif, c'est que au fur et à mesure qu'il parle, en attendant une réponse à son amour et les interprétations qui résoudraient tout, il y a une frustration qui s'instaure. Lacan a beaucoup parlé de ça. Comment, inévitablement, il y a de la frustration qui s'instaure dans ce dispositif. Et ça, c'est l'effet négatif, parce que, comme il m'arrive de le dire souvent, il n'y a rien de tel pour fabriquer des ennemis de la psychanalyse qu'une analyse pas finie. C'est-à-dire des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont frustrés. Et alors, ils détestent la psychanalyse. Et la solution, c'est d'aller au bout de l'espérance de transfert. Eh bien, alors je ne sais pas si on va venir en aide à ces gens-là, mais voici en tout cas un texte de Lacan. Alors, c'était en 1936, donc oui. Très tôt. Oui. Avant Lacan lui-même, disiez-vous, Colette Soler, avant cette émission, quand je vous ai parlé de ce texte, qui a été lu par Vincent Schmitt, qui s'appelle « Au-delà du principe de réalité ». Voici la description qu'il fait du transfert et du rôle de la frustration dans ce transfert. Le psychanalyste touche au fait simple que le langage, avant de signifier quelque chose, signifie pour quelqu'un. Par le seul fait qu'il est présent et qu'il écoute, cet homme qui parle s'adresse à lui. Et puisqu'il impose à son discours de ne rien vouloir dire, il y reste ce que cet homme veut lui dire. Ce qu'il dit peut n'avoir aucun sens, ce qu'il lui dit en recèle un. Ainsi l'intention s'avère-t-elle dans l'expérience inconsciente en tant qu'exprimée, consciente en tant que réprimée. L'auditeur y entre en situation d'interlocuteur. Ce rôle, le sujet le sollicite de le tenir, implicitement d'abord, explicitement bientôt. Silencieux pourtant, et dérobant jusqu'aux réactions de son visage, peut repérer au reste de sa personne, le psychanalyste s'y refuse patiemment. N'y a-t-il pas un seuil où cette attitude doit faire stopper le monologue? Si le sujet poursuit, c'est en vertu de la loi de l'expérience. Mais s'adresse-t-il toujours à l'auditeur vraiment présent ou au fantôme du souvenir, au témoin de la solitude, à la statue du devoir, au messager du destin? Dans sa réaction même au refus de l'auditeur, le sujet va trahir l'image qu'il lui substitue. Par son imploration, par ses imprécations, par ses insinuations, par ses provocations et par ses ruses, par les fluctuations de l'intention dont il le vise et que l'analyste enregistre, immobile mais non impassible, il lui communique le dessin de cette image. Il n'y a pas de mouchard ici, j'espère. Pardon ? Des mouchards, des micro-espions, une table d'enregistrement. Ah non, non, non, non, je n'enregistre jamais rien, je prends des notes. Il s'agit d'un de mes amis. C'est un de mes amis qui a quelques problèmes et il va sans doute avoir besoin de voir un psy. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Oh, ah ouais, je vous en prie, allez-y. Bien. Bon, alors comment on fait? On s'assoit? Oui, faites comme bon vous semble. Bon, bah, allez-y. On va s'asseoir là. Oui. Bon, alors qui commence? Parlez-moi donc de votre ami. Cet ami, disons qu'il a... C'est vraiment quelqu'un de très puissant. Il n'y a jamais un problème dans aucune affaire. Et voilà tout à coup sur le point de s'écrouler. Voilà qui pleure sans raison, voilà qui dort plus. Et il y a ce genre de crise cardiaque, là. J'ai comme... Il peut plus respirer, il a des genres de... Il a des vertiges. Il se dit qu'il est en train de crever. Et ce type, il se demande comment faire pour que ça finisse. Monsieur Vitti, il est possible que ça vous surprenne. Mais je crois que cet ami, c'est vous. Vous. Vous, vous avez un don, mon ami. Vous avez un don. Non, c'est rien. Oh, que si. Entre nous, ça peut paraître assez bizarre, mais ça m'a fait du bien de vider mon sac, comme si on m'avait soulagé d'un poids. Je me sens nettement plus léger. Vous êtes bon. Je n'ai... Docteur, merci. Monsieur Vitti, je n'ai rien fait. Vous avez fait quelque chose. Non, je n'ai rien fait. Vous avez fait quelque chose. Mon fardeau envolé. Où il est passé? Mystère. Vous êtes bon. Non, vous êtes bon, Doc. Non, je vous... Ah, encore un petit détail. Si je vous raconte tout et que vous faites de moi une fiotte, je vous bute, est-ce que c'est clair? Vous êtes bon, Doc. C'est le personnage Paul Vitti, interprété par Robert De Niro dans Mafia Blues. Il le dit, Colette Solaire. Alors, quelle meilleure illustration que ce genre de situation qu'induit le transfert, hein, dont parlait Lacan dans le texte précédent. On fait jouer au psychanalyste le rôle que l'on a besoin. Alors, pas simplement d'entendre, mais qui nous permet de rejouer ce qu'on a envie de dire. En l'occurrence, là, il n'arrive pas à se positionner. Il se dit d'un côté, c'est celui qui m'a permis de parler parce qu'il a vu que quand je parlais de mon meilleur ami, en fait, je parlais de moi-même. Mmh. Et de l'autre, à la fin, il se rend compte que s'il commence à lui dire beaucoup de choses, eh bien, il va être en danger. Donc, si tu répètes ce que je dis ou si tu fais de moi une fiotte, je te casse la gueule. Mmh. C'est exactement ça. C'est finalement le transfert, c'est faire jouer à l'autre le rôle dont on a besoin à ce moment-là, non? Oui, oui, je dirais pas le contraire, mais la différence avec cet épisode, c'est que il est pas dans le dispositif analytique d'association libre. C'est une chose, on parle toujours de la psychanalyse comme une pratique de parole. Oui, pratique de parole, mais l'association libre n'est pas n'importe quelle parole. Alors qu'est-ce que c'est l'association ? C'est l'association libre. L'association libre, c'est Freud qui a posé la règle, hein. C'est pas lacanien, ça. C'est bien avant, c'est à l'origine de la psychanalyse, c'est que le patient, bien, il vient, il explique qu'il a des symptômes, et après, on lui demande de parler sans censure. Sans censure, c'est très difficile de parler sans censure qui serait due à la pudeur, à la honte. Dire au fond ce qui lui vient à l'esprit, les pensées qui lui viennent à l'esprit quand il est dans la séance. Et quand il est hors de la séance, ça continue à venir. D'ailleurs, c'est très frappant, c'est une expérience commune. On ne pense pas hors de la séance comme dans la séance. Les analysants le disent, mais j'avais les idées bien claires, je voulais vous dire une chose précise et c'est fini, je peux pas là, c'est autre chose. Hein. Et donc, la différence avec cet épisode qui est très, très sympathique, très amusant... Il y a un côté efficacité, c'est-à-dire que je vais voir un psy, je vide mon sac et je me sens mieux. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est une psychothérapie, voilà, on pourrait dire ça. La psychothérapie, c'est parler fait du bien. Parler fait du bien, surtout si l'autre a l'air de vous comprendre. L'analyste, il aurait plutôt intérêt à se poser comme ne comprenant pas. Écoutant, attentif, présent, Lacan disait immobile. Oui. Dans le texte que vous avez lu, c'était joli. Elle a cette très belle... Il dit le, immobile, au fantôme mais... du souvenir, témoin de la solitude, statue du devoir, messager du destin. Voilà, c'est-à-dire que si l'analyste se tait, que fait l'analysant ? Il se met à parler de ce qu'il habite. Et qu'est-ce qu'il habite ? C'est le souvenir de son passé, de ses parents, des images qui l'ont hanté, des expériences qu'il a eues. Et tout ça va venir se plaquer sur la figure vide de l'analyste. C'est ce qu'on a appelé la répétition dans le transfert. La répétition dans le transfert, c'est-à-dire que l'analysant ramène ce qu'il a déjà vécu dans la relation de transfert. Ce n'est qu'un aspect du transfert, mais c'est un aspect inévitable du transfert. Et vous parliez de l'importance de la frustration. Lacan le dit bien. un peu plus tard, cette fois-ci, il dit que la frustration ne vient pas forcément du silence de l'analyste et qu'une réponse, même et surtout approbatrice, écrit-il, à la parole vide, montre souvent par ses effets qu'elle est bien plus frustrante que le silence. Bah, bien sûr. Oui. L'analyste, en fait, est toujours pris pour un autre, en fait. Il n'intervient, qu'il intervienne ou pas d'ailleurs par la parole, jamais en tant que lui-même, mais en tant que celui que le patient, ce que vous appelez l'analysant, attend de lui. Je l'appelle l'analysant parce que Lacan l'a appelé l'analysant. C'est intéressant d'ailleurs, oui. il y a une dimension plus active. Ce terme, oui, c'est pour ça qu'il l'a fait. Et ce terme a eu un grand succès dans la psychanalyse. Maintenant, tous les analystes parlent de leurs analysants. Mmh. Oui. Et c'est justement pour souligner, entre autres, le côté actif. C'est le sujet en analyse qui travaille. Il travaille à associer ses pensées, etc. Et donc sur cette frustration induite par le fait que le psychanalyste lui-même n'est jamais celui auquel l'analysant s'adresse. C'est pour ça aussi qu'on fait aussi des psychanalystes, sans doute des usurpateurs ou des imposteurs, parce qu'en fait ils ne sont jamais. Leur rôle est d'être quelqu'un d'autre. L'usurpateur, je ne sais pas très bien de quoi on parle là. Mais Lacan pense ce rôle-là du psychanalyste comme étant toujours celui de jouer un rôle qui est autre que le sien, en fait. C'est très difficile de définir ce rôle-là. Non, il ne joue pas de rôle, l'analyste. Il ne joue pas de rôle, il se prête. Il se prête à l'analysant. Il se prête à recevoir ce que l'analysant a à lui dire. Ça ne l'implique pas dans sa personne. C'est ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut une formation analytique. Sinon, on ne peut pas être analyste sans avoir fait une analyse qui vous a transformé vous-même. Parce que, normalement, dans l'interlocution dans la vie, on est dans une position empathie, compréhension ou antipathie, opposition. Donc, on participe à la dimension d'affrontement qu'il y a souvent dans la parole. Alors, l'analyste, lui, c'est le contraire. Il est comme entre parenthèses pour ce qu'il est en tant que personne. Il intervient comme analyste et pas en tant que personne. Il y a un analyste qui a très bien saisi ça dans l'histoire de la psychanalyse, bien avant Lacan, c'est Ferenczi. Ferenczi qui disait, mais c'est une profession impossible, être toute la journée se prêter à d'autres et laisser ses propres caractéristiques de côté. Oui, vous dites qu'il ne joue pas de rôle, mais il joue une fonction. Il y a une fonction. Voilà, il a une fonction, mais je veux dire, ce n'est pas un comédien. Bon, alors après, on peut nuancer pour faire accoucher de la vérité, pour obtenir que le patient parle. Évidemment, si vous lui passez la main dans le dos avec, comme il dit, des interprétations qui accepte la parole vide, vous n'obtenez rien. Mais pour accoucher la vérité, l'analyste peut... Lacan était très fort là-dessus, pour obtenir, de faire sortir quelque chose que le patient n'avait pas l'intention de sortir. Comment s'y prenait-il? Ah ben ça, c'est un peu difficile à dire. Ce qu'on disait à l'instant là de l'analyste qui se prête à chaque patient, j'avais utilisé une image. Dans sa fonction, il est comme un frigolis, vous savez, frigolis qui change de vêtements entre toutes les scènes du théâtre. Et c'est pour ça qu'il est chaque analysant a son idée de l'analyste qui diffère de celle de l'autre, ce qui est un signe d'authenticité. Hein. Alors, il est d'autant plus intéressant de mesurer ou de confronter le Lacan analyste en séance avec l'un de ses patients, l'un de ses analysants, avec le Lacan qui est sur scène, devant un public, et qui parle soit de son analyse, soit qui propose ce qu'on pourrait appeler un essai de théorisation de cette pratique. Écoutez un extrait, c'est une sorte d'anecdote sur les séminaires, c'était en 1970. Je me souviens de la gêne dont m'interrogeait un garçon qui avait assisté à la production de ma dialectique du désir et subversion du sujet. J'ai gentiment, gentil comme je suis toujours, pointé à la suite de ce rebut dans mes écrits recueillis l'ahurissement qui de ce public y fit réponse. Et le garçon, croyez-vous donc, me disait-il, qu'il suffise que vous ayez dit quelque chose, inscrit des lettres au tableau noir pour en attendre un résultat? Un tel exercice a porté, pourtant, j'en ai eu la preuve. C'est que l'effet qui se propage n'est pas de communication de la parole, mais de déplacement du discours. Quelle différence, Colette Solaire, entre la communication de la parole et le déplacement du discours? Parce que tout se joue là, pour Lacan, visiblement. Ce qu'on appelle la communication, ça veut dire... La communication est elle-même pas facile à définir, en réalité. Mais ce que l'on appelle la communication, ça veut dire que l'on s'entend. Je parle, l'autre comprend... Il est d'accord, pas d'accord, mais on s'entend. Hein, c'est à peu près ça, la communication. Et il y a une aspiration à communiquer, d'ailleurs, dans l'humanité. Hein, c'est certain. Dans l'analyse, on ne cherche pas à communiquer. On cherche à ce qu'il y ait de la révélation. Pas au sens religieux. La révélation de ce qui était là, et qui habitait l'analysant et qui produisait ses symptômes. Bon, donc c'est totalement différent. Déplacer le discours, dit Lacan, mais là il parle de ses cours et pas de séances. Ah oui, alors vous voulez même m'induire à parler de l'enseignement. Ah ben je sais pas, non, oui, je sais pas comment est-ce que l'on vient d'entendre, alors pourquoi pas, oui, parce que c'est deux, oui, ce oui. sont quand même deux contextes très différents. Oui, oui, oui. Celui d'accord. de l'analyse et celui de l'enseignement. Je croyais qu'on parlait toujours de l'analyse. Donc, on va y revenir de toute façon. Hein. Donc, effectivement, dans l'enseignement, qu'est-ce qu'il appelle discours, Lacan d'abord? Il faut préciser ça. Le discours, c'est le lien social. C'est un lien social. Il y a plusieurs types de liens sociaux. Et les liens sociaux sont ordonnés, évidemment, par le langage. C'est pour ça qu'il les appelle discours. Ce qui fait des équivoques entre « je tiens un discours », premier sens, et deuxième sens, le discours est un lien social. Bon. Donc, déplacer le discours, ça veut dire ramener le discours commun, où on communique, vers le discours analytique, où on ne communique pas. Où on ne communique pas, mais où on essaye, Lacan a essayé, on essaye, c'est beaucoup dire, parce qu'il n'y a que lui qui a essayé vraiment ça, de construire ce qu'est le lien social analytique. C'est ça le déplacement de discours qu'il tente. Il a écrit un séminaire qui s'appelle « L'envers de la psychanalyse ». L'envers de la psychanalyse, c'est pour désigner le fait que le lien social analytique, analysant analyste, appelé discours, n'a rien à voir, enfin n'a rien à voir, n'est pas identique avec ce qu'on appelle le discours commun, ou le discours du maître, ou le discours qui se tient dans la vie en général. Quand il fait des séminaires, il s'adresse à des analystes uniquement? Il y avait dans le public... Petit à petit, au départ, il n'y avait que des analystes. C'était un petit public quand il a commencé les premiers séminaires. Ensuite, il y a eu de plus en plus de monde. Il a changé plusieurs fois de lieu parce qu'on le repoussait un peu dehors. Et il y avait beaucoup de monde à la fin. Ces séminaires étaient suivis par beaucoup de monde. Il y avait des mathématiciens, il y avait des artistes, il y avait des peintres, il y avait... Mais lui s'adressait aux analystes. Il peut y avoir dans le public des gens divers, mais il parlait pour les analystes. D'où la production d'un discours qui peut paraître hermétique quand on ouvre aujourd'hui ces séminaires au hasard. Souvent le livre peut tomber des mains parce qu'on ne, oui. on ne, on ne comprend pas les termes employés, qui sont souvent forgés d'ailleurs. Oui, mais oui. En fait, cette invention d'un discours a pour but de s'appliquer à la pratique de la psychanalyse. Absolument. Moi, j'ai fait une expérience quand même dans ma vie propre avec les textes de Lacan, parce que j'ai commencé comme tout le monde. Beaucoup de textes me paraissaient fort difficiles, extrêmement fermés. Et donc, étant donné que je pratiquais la psychanalyse, j'avais des raisons de le lire de façon un peu acharnée, pour m'en enseigner en quelque sorte. Et je me suis aperçue qu'avec tous les textes de Lacan, tous, même les plus difficiles, une fois que vous avez réussi à passer la difficulté, c'est beaucoup plus simple que Freud. Ah oui ? Ah oui, parce que Freud, c'est bien écrit, c'est un style plus littéraire, il n'y a pas de difficulté d'accès. Mais saisir vraiment la pensée de Freud, c'est très difficile. La pensée de Lacan, vous avez, c'est l'inverse. Hein, vous avez un barrage d'entrée à cause précisément de sa manière d'écrire, moins dans les séminaires, parce que si vous lisez les premiers séminaires, il cherche à s'expliquer, il fait des efforts didactiques, il cherche vraiment à s'expliquer. À la fin, non, il avait renoncé, je crois. Mais une fois qu'on passe la difficulté, c'est plutôt beaucoup plus simple. Mais ce qui est frappant, c'est de voir le décalage qu'il y a entre ses écrits très techniques et la nature du langage qu'il emploie quand il donne des entretiens, par exemple, avec des journalistes, des écrits ou oraux d'ailleurs, où son langage est absolument compréhensible par tout le monde. Il est d'une précision et d'une pertinence sur ce qu'il parle qui est assez impressionnante. Et quand on compare les deux, on se demande pourquoi l'effort n'a pas été fait de son côté pour rendre accessible, y compris ses écrits dits plus théoriques. Vous savez ce qu'il dit. Peut-être qu'il s'en fichait, qu'il ne voulait pas le être compris style, par tout le monde. Le style, c'est l'homme à qui on s'adresse. Ben justement. Alors, quand il s'adresse à la presse, ou qu'il fait des interviews, il parle un petit peu pour faciliter une certaine transmission. Il a un grand art de ça. Mais justement, pourquoi n'applique-t-il pas cet art de la transmission à ses cours et à ses séminaires ? Dans ses cours, il l'a un peu appliqué quand même. Si vous lisez les premiers séminaires, il cherche à s'expliquer. Lisez le séminaire sur l'angoisse, par exemple. Je prends un séminaire qui n'est pas les tout premiers. C'est bien sur l'angoisse, vraiment, il cherche à s'expliquer, c'est très clinique. Alors, à l'écrit, c'est sa façon d'écrire. Hein. Alors, lui-même a dit, moi, je cherche un lecteur qui y mette du sien. C'est à nous de faire le travail. C'est-à-dire que je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour les analystes qui ont des raisons d'y mettre du sien. Voilà, c'est ça. Son but n'est pas de s'adresser à tout le monde. Non. Quand il s'adresse aux analystes, il ne s'adresse pas à tout le monde. Parfois, c'est peut-être dommage d'ailleurs, parce que ce qu'il a à dire a sans doute un écho chez chacun d'entre nous. Voici un autre extrait, justement. Alors là, c'est un texte assez incroyable, parce qu'il nomme la seule chose qui, selon lui, justifie le sentiment de culpabilité chez l'homme. Il y a une chose, seule chose qui puisse nous rendre coupables. Bien, je vous laisse écouter le texte. Donc Lacan par la voix de Vincent Schmitt. Je propose que la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. Faire les choses au nom du bien, et plus encore au nom du bien de l'autre, voilà qui est bien loin de nous mettre à l'abri non seulement de la culpabilité, mais de toutes sortes de catastrophes intérieures. En particulier, cela ne nous met certainement pas à l'abri de la névrose et de ses conséquences. Ce que j'appelle céder sur son désir s'accompagne toujours dans la destinée du sujet de quelque trahison. Où le sujet trahit sa voix, se trahit lui-même et c'est sensible pour lui-même, ou plus simplement, il tolère que quelqu'un, avec qui il s'est plus ou moins voué à quelque chose, ait trahi son attente, n'ait pas fait à son endroit ce que comportait le pacte. Le pacte, quel qu'il soit, faste ou néfaste, précaire, à courte vue, voire de révolte, voire de fuite, qu'importe. Quelque chose se joue autour de la trahison quand on la tolère, quand, poussé par l'idée du bien, j'entends du bien de celui qui a trahi à ce moment, on cède au point de rabattre ses propres prétentions et de se dire Eh bien, puisque c'est comme ça, renonçons à notre perspective. Ni l'un ni l'autre, mais sans doute pas moi, nous ne valons mieux. Rentrons dans la voie ordinaire. Là, vous pouvez être sûr que se retrouve la structure qui s'appelle « céder sur son désir ». La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, Jacques Lacan, lu par Vincent Schmitt, Jacques Lacan qui nous livre aujourd'hui la seule chose, le seul motif auquel on puisse légitimement se sentir coupable, et c'est celui d'avoir cédé sur son désir. Colette Solaire, quel texte et quelle précision, hein, avec en laquelle effet. Décrit, comme c'est l'écriture, ça pourrait être un texte de Barthes d'ailleurs, avec cette façon de décrire donc vous voyez les modalités de l'âme. Qu'il n'est pas toujours obscur. Ah, dans ce texte-là, ça c'est sûr, on a quand même essayé de faire lire les textes les plus accessibles. Mais alors, expliquez-nous, parce que si on suit bien Lacan, il nous dit, voilà, céder sur son désir, c'est le moment où on part. Et on cède sur son désir quand il y a eu trahison de la part de la personne dont on attendait tout. Et le moment où on se sent déçu ou trahi par cette personne et où, du coup, dit-il, nous rabattons nos propres prétentions, on se dit, bon, après tout, je ne vaux pas mieux que ça, donc acceptons ça. C'est le moment où on cède sur nos désirs et c'est le moment où nous sommes coupables, finalement. Mais ça veut dire qu'on ne peut passer aucun compromis avec quiconque. Ne pas céder sur son désir, c'est être seul, en fait. Dès qu'on est avec quelqu'un, on est obligé à un moment de faire des conciliations. Oui, il faut se souvenir que ce texte se trouve à la fin du séminaire sur l'éthique de la psychanalyse. Hein, Lacan a fait un séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, c'était une nouveauté absolue de parler d'une éthique de la psychanalyse à ce moment-là. Et c'était pour s'interroger sur les finalités de l'analyse, sur ce qu'on veut. Alors, désir, c'est un autre nom de vérité, hein, aussi. Ah oui, sont synonymes. Bah oui, sont pas synonymes, mais quand on dit le sujet cherche sa vérité, il cherche son désir. C'est Freud qui le premier, c'est avant Lacan, dit que l'inconscient, les paroles dont est faite l'inconscient, supposent un désir propre au sujet. Hein, c'est pas les désirs. Au sens commun, je désire du chocolat, je désire des vacances, c'est pas l'envie de petites choses de la vie. C'est vraiment le désir qui est impliqué par le texte inconscient. Bon. Et donc Freud disait, il n'y a qu'un seul désir dans un sujet. Le désir inconscient, il est unique et indestructible. Thèse freudienne. Donc Lacan reprend la question du désir du sujet dans sa conceptualisation du fait que l'inconscient est un langage. Et son grand exemple de qui ne cède pas sur son désir dans le séminaire sur l'éthique, c'est Antigone de Sophocle. Alors vous avez raison, c'est un peu féroce. Ben oui. Parce que l'Antigone de Sophocle, elle ne cède sur rien. Elle demande à ce que son frère elle soit enterré que son en bonne et due forme. Son frère soit enterré parce qu'un humain qui fait partie, en plus, de la famille des Labdacides, un humain doit avoir une sépulture humaine. Et là-dessus, elle ne cède pas, elle sacrifie tout. Bah jusqu'à la mort. Oui, c'est pour ça. Donc, jusqu'à la mort. C'est ce que nous dit Lacan. Jusqu'à la mort. Alors, évidemment, de manière générale, tout le monde n'en est pas Antigone. Bah, peut-être que si. Il y a peut-être encore des Antigones, peut-être. Peut-être que le désir qui nous constitue est de cet endroit-là. En effet, l'idée, c'est que le propre de l'humain, à ce moment-là, Lacan a l'idée que le propre de l'humain, c'est le désir. Désir qui suppose qu'il y a du manque, parce qu'on ne désire qu'à partir des manques. Hein. Et il aimait beaucoup Spinoza pour ça, parce que Spinoza avançait que le propre de l'homme, c'est le désir. Bon. Alors, céder sur son désir, ça veut dire céder sur ce que l'on est. Céder sur sa vérité la plus intime. Mais encore faut-il pouvoir l'identifier. Nous n'avons qu'un désir, dit Freud, mais est-ce qu'il est à notre portée? Est-ce que nous pouvons identifier? Est-ce que l'analyse sert à pouvoir identifier ce désir, le nommer, ensuite pouvoir vivre selon lui et ne pas céder sur lui? En principe, une analyse apporte un éclairage sur le... Oui, oui, oui. on fait une analyse pour cela. C'est pourquoi d'ailleurs Lacan, quand tout à l'heure vous évoquiez qu'une interprétation qui satisfait peut être négative, c'est parce que justement elle rate ce qui est le désir du sujet. Hein ? Donc en effet, c'est la thèse. Il y a un désir propre à chaque sujet qui est soutenu en général par un fantasme. Et qu'on peut approcher dans la psychanalyse. Il s'agirait d'essayer de ne plus faire semblant, c'est ça ? En tout cas, oui, faire semblant, c'est pas tout à fait trahir. Hein, parce que quand on dit trahir, ça évoque des circonstances précises où il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Antigone, elle a un choix. Elle pourrait faire comme sa sœur. Dire, bon, bah, pas de problème. On obéit à Créon et on laisse son frère être mangé par les corbeaux. Donc il y a un choix. Céder sur son désir, c'est des moments de la vie où il y a des choix et qui sont irréversibles. Et qui demandent alors soit peut-être de reconnaître une culpabilité originelle, soit justement d'arriver à ne plus faire semblant de connaître son désir ni de lui tourner le dos. Can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Un grand merci à vous, Colette Solaire, d'être venue nous parler de Lacan aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos livres, notamment Lacan, l'inconscient réinventé, ainsi que Les affects lacaniens aux éditions PUF aux presses universitaires de France. You're still around. Too real is this feeling of make believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous célébrez l'arrivée du printemps. Et oui, avec un livre qui n'est pas un livre de philosophie mais d'histoire. C'est le dernier ouvrage d'Alain Corbin sur la fraîcheur de l'herbe. Alors bien sûr, vous avez compris le lien avec le printemps. Alain Corbin nous propose de suivre l'histoire de l'Antiquité à aujourd'hui, de toute la gamme d'émotions éveillées à chaque même moment de l'année par la vue, l'odeur et le toucher de l'herbe. L'occasion de nous pencher aussi sur toutes les pensées, rêveries et images que l'herbe suscite en nous et dont les philosophes se sont nourris. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre. Le long des jours heureux pour faire des vous reconnaissez Adèle? Non, ce sont des philosophes qui sont ivres d'avoir regardé L'herbe tendre. Complètement, en fait, c'est une chanson de Serge Gainsbourg avec Michel Simon. Alors c'est vrai que se pencher sur l'herbe en sciences humaines semble complètement inattendu et même un peu dérisoire. Mais le faire, c'est en fait se lancer dans une vaste entreprise. Les occurrences de l'herbe dans la peinture, la littérature et la musique sont infinies et ne sont jamais en fait insignifiantes. Le déjeuner sur l'herbe de Manet n'aurait pas le même sens sur du bitume. Les feuilles d'herbe du poète américain Walt Whitman seraient moins sensuelles s'il s'agissait de feuilles de papier. Puis bien sûr, donc cette chanson de Gainsbourg chantée avec Michel Simon serait moins nostalgique sans cette mention de l'herbe tendre. Cette chanson d'ailleurs révèle ce que peut évoquer l'herbe, l'enfance et les souvenirs, le bonheur et le repos et l'amour. Alors en philosophie, c'est un peu différent. L'herbe n'est pas travaillée en tant que telle, mais plutôt par métonymie. C'est la nature que l'on désire et dont le contact éveille la rêverie, cette pensée qui divague. L'herbe, c'est aussi le pré ou la prairie comme des utopies pastorales protégées de la société, ou c'est l'éternelle fraîcheur qui en dit tant sur la force de la fragilité. Jadis, l'herbe, à l'heure où les routes de la terre s'accordaient dans leur déclin, élevait tendrement ses tiges et allumait ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour et les châteaux de leurs bien-aimés comptaient autant de fenêtres que l'abîme porte d'orages légers. Jadis, l'herbe connaissait mille devises qui ne se contrariaient pas. Elle était la providence des visages baignés de larmes. Elle incantait les animaux, donnait asile à l'erreur. Son étendue était comparable au ciel qui a vaincu la peur du temps et allégi la douleur. Asile d'un instant, monde minuscule, espace pulmonaire, si l'herbe éveille et réveille toutes ces réflexions de Platon, Rousseau, Thoreau ou Aldo Léopold sur la quête d'un rapport pur à l'environnement, sur le rêve d'une égalité et d'une transparence collective ou encore sur la possibilité d'une bonté naturelle dénuée de morale, est-elle peine perdue, n'est-elle qu'utopie ? Dans son éloge de l'herbe que l'on vient d'entendre et qu'il lit lui-même, René Char parle de l'herbe jadis. C'est vrai qu'entre une Aphrodite foulant l'herbe pieds nus, Colette décrivant l'herbe toute neuve de son enfance, la prairie ravagée des États-Unis ou les pelouses bien rasées des banlieues américaines, on pourrait se demander si la verdure n'a pas succombé à sa propre verdeur, si elle n'a pas failli aux brins et aux mauvaises herbes justement. C'est tout le paradoxe de l'herbe, contact évanescent, parenthèse enchantée, pensée rêveuse et idéale d'une délicatesse à l'autre, l'herbe ne se crée pas, elle ne se travaille pas, on peut bien faucher un pré, l'herbe pousse là où on n'attend pas, elle apparaît là où on ne l'espère pas. C'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or épanouies, enfoncées dans les ténèbres et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit. Jourdan ne pouvait pas dormir. Il se tournait, il se retournait. Il fait un clair de toute beauté, se disait-il. Il n'avait jamais vu ça. Comme Jourdan, le héros de Jean Giono dans son roman « Que ma joie demeure », l'herbe apparaît même dans le ciel comme une touffe d'étoiles. Inattendue, inespérée, elle est un miracle. Celui d'un espoir qui ne se cherche pas, d'un jardin qui ne s'entretient pas, d'une herbe qui ne se cultive pas. Faut-il alors tout abandonner, ne pas prendre soin de ces herbes ? Faut-il seulement qu'elles nous éveillent, qu'elles nous surprennent, mais sans rien faire ? L'herbe nous met face à cette drôle d'attitude, plus subtile qu'un début d'année plein de résolutions. Une attitude printanière où sans forcer, sans brutaliser, sans cultiver intensivement, on reste ouvert, attentif, alerte, prêt à accueillir la nouveauté plutôt qu'à la provoquer. Merci Géraldine pour ce magnifique bouquet de sons et de textes. Vous devriez écrire un livre sur l'herbe et la philosophie. Mais pourquoi pas, je vais peut-être en parler avec Alain Corbin. Il faut d'abord lire ce livre génial d'Alain Corbin, c'est très beau, ça nous permet de rentrer dans le printemps. La fraîcheur de l'herbe, c'est chez Fayard. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Idis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzincan qui est à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes lacaniens. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Lacan. Demain, on partira de cette citation de Lacan, « Je suis celui qui a lu Freud » pour revenir justement sur les liens entre Lacan et Freud et continuer à le présenter. Ce sera Paul-Laurent Hassoun qui viendra le faire en studio. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram,